Chapitre 12e. Le gouverneur de Macao, qui était véritablement émerveillé par les remarquables résultats obtenus par Rico Teruca, donna des ordres, le jour même, pour faire exhumer le corps d'Afo qui fut transporté à l'hôpital. Bien que le tenancier de la maison de jeu fût mort depuis plusieurs mois, ses restes étaient intacts grâce à la sécheresse du sol. Son corps s'était momifié. Rico Teruca, qui assista à l'autopsie, fit remarquer au médecin que le défunt portait au cou la trace de plusieurs piqûres correspondant aux 5 dards dont est munie la queue du scorpion Rako. Tout prouvait donc que le Chinois n'était pas mort étranglé. En analysant un fragment de sa peau, près de l'endroit où il avait été piqué, les médecins découvrirent des traces de venin du scorpion. Ainsi, Rico Teruca ne s'était pas trompé. Il alla aussitôt faire part au gouverneur de ce qu'il venait d'apprendre. De son côté, le comte de Almeida lui apprit que la police, malgré d'actives recherches, n'avait encore pu mettre la main sur Ato, le frère d'Afo. Il avait disparu avec ses serviteurs et ses employés. Vainement, les policiers avaient interrogé ses voisines. Nul n'avait rien vu, ne savait rien. « Les Chinois ont peur du scorpion, » fit Koteruka, « mais peu importe. Je crois être sur une bonne piste. Je ne peux en dire plus, pour le moment. » Curieux, le gouverneur de Macao voulut faire parler le grand détective. Rico Teruca resta muet comme une carpe. Ayant quitté le gouverneur, il s'enfuit au bureau du port et demanda à voir le registre où étaient mentionnés chaque jour les noms des navires, grands ou petits, qui arrivaient à Macao ou qui en partaient. Il remarqua ainsi que la veille de la disparition de la Santa Madre, la jonque qui avait à bord les 750 000 piastres, une autre jonque, le Yue, était partie de Macao. Or, le Yue était de retour depuis 2 jours à Macao. Il y avait moins de 2 jours que Atao avait disparu. Rico Teruca, pensant qu'il était peut-être sur la bonne piste, résolut de s'en assurer. À la nuit, il changea encore une fois de déguisement et, habilement camouflé en coulis, vêtu de loques de coton crasseuse, la tête recouverte d'une vieille calotte de paille tressée, les pieds nus, il se dirigea vers le port. S'étant caché entre 2 piles de sacs de riz sur le quai, il observa le Yue. Il vit arriver successivement 3 Chinois, qui, avant de franchir la planche qui reliait la jonque à la rive, jetèrent autour d'eux des regards méfiants. Ce détail donna fort à penser au grand détective. Pourquoi cette méfiance? Il n'y avait pourtant rien que de très naturel que de se rendre à bord d'une jonque. Rico Teruca remarqua également qu'un matelot chinois se tenait en faction à la coupée de la jonque et qu'il était remplacé toutes les heures. Le grand détective attendit patiemment, et vers 1 heure du matin, il quitta sa cachette et s'éloigna du Yue. Arrivé à environ 200 mètres du petit navire, il s'assura que nul ne le voyait et se laissa doucement glisser à la mer. Nageant entre 2 eaux, il revint vers le Yue. En peu d'instants, il atteignit l'avant de la jonque et s'accrocha au câble de l'ancre le long duquel il se hissa. Il arriva ainsi sur le gaillard et, à plat ventre, sur les planches humides, regarda autour de lui. Seul le factionnaire de la coupée veillait. Une 12 douzaine de matelots chinois, formant l'équipage de la jonque, ronflait, enveloppé dans des couvertures et étendu sur le pont. À l'arrière, des lueurs jaunes filtraient à travers les petites fenêtres carrées de la poupe. Rico Teruca entreprit d'arriver sous une de ces fenêtres, dans l'espoir de voir et d'entendre ce qui se passait derrière et qui devait être bien intéressant. Il se rendit compte aussitôt de la difficulté de sa tâche.